vois plus que toi. Quand tu croises les jambes, l'ombre de tes pas et le ciel qui rampe, il me suffit de peu. Un pli, un remous, que la mer s'ouvre en deux pour tomber à genoux. Et moi encore tomber amoureux. Et moi encore tomber à genoux. Tu as tout d'une plage, ta peau de sable blanc, t'es faite nuit d'orage et ta jupe se fend. Moi qui suis naufragé, je me sens devenir lourd.